Comment vous dire que j'ai un problème et que pour moi c'est toujours le même. Je veux tout ce que je n'ai pas et quand je l'ai, je ne le veux plus. Tout est simple et compliqué. Remarquez cupidité. Ça parle, parle pas sans me connaître. Et rage de mon bien-être. Si vous saviez la peine que j'ai pour vous et les autres. Si vous saviez que j'ai pour vous et les autres. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Je parle cash, je vis cash en tant que coach. Pas le temps de jouer à cache-cache. Pourquoi lutter? Trop déterminé. N'essayez pas de me changer. J'suis déjà dans ce truc avec moi-même. Des rageuses de gauche à droite. Pourquoi on parle de moi? Attends, j'sais pas si tu m'as capté. Ouais, bah ouais, j'suis dans ma mala. Attends, j'sais pas si tu m'as capté. Ouais, bah ouais, j'suis dans ma mala. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, j'suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, j'suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Au pays des merveilles. Tout est utopique, tout est magnifique. Ça pique, pique, pique quand je me démène. Ça pique, pique, pique quand je me défaite. Mais laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi dans mon monde. Oh yeah, yeah. Laisse-moi. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, j'suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Un peu chante sur les bords. Un peu relou, j'suis d'accord. C'est pour ça qu'on m'aime, qu'on s'aime. Qu'on me déteste, qu'on m'aime, qu'on s'aime. Un peu chante, un peu relou. Un peu chante sur les bords. Un peu chante sur les bords, ouais. Un peu relou, j'suis d'accord. Un peu chante sur les bords, ouais. Un peu relou, j'suis d'accord, ouais. Attends, j'sais pas si tu m'as capté, ouais. Bah ouais, j'suis dans ma main.